de respiration. Na magonjwa yake ilikuwa ya nguvu kabisa ikumwachia hata wakati hakuweza kumsika vizuri. Cette femme dit alors à Elie. Umwanamke akamwambia Elia, "J'a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu?" Akasema nini inakuwa katikati yangu na mimi na wewe? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Ulikuja nyumbani kwangu juu ya kunikumbusha tu maumivu yangu. Et pour faire mourir mon fils. Na ili upate kuua mwana wangu. Il lui répondit, akamjibu, donne-moi ton fils. Nipe mtoto wako. Et il le prit du sein de la femme. Kisha akamchukua mkifua kia mamake. Le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Akapanda naye mchumba taju unakula kaweza kumlaza kwake. La technique nous a échappé, il n'y a pas de souci, je vais lire dans ma Bible. Verset 20, puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'étais reçu comme un autre? Je utamtendea mabaya mjane uyu atakuleweza kuniweka. Et lui donne la motivation. Et s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 18, versets 6 à 10. Mwanzo sura ya 18, mstari wa 6 mpaka mstari. Genèse chapitre 18, versets 6 à 10. Je donne des principes qui vont nous aider. Chapitre 18, verset 6, à partir du verset 6, chapitre 18, Genèse. Clique sur le verset 6, on va y aller. Verset 6 à 10. Genèse 18, verset 6. Sixième verset. La technique. Ok. Nous lisons. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, trois mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Verset suivant. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Verset suivant. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux. Il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Verset suivant. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, etc. Ok, il n'y a pas de souci avec la technique. En fait, principe numéro 2. Kanuni ya pili. Nourrir kulisha les hommes de Dieu. Watumishi wa Mungu. Nourrir kulisha les hommes de Dieu. Watumishi wa Mungu. Chers frères et sœurs Katangé. Ndugu na dada wa Katangé. Kukanga maboko kufunga mikono apana. Je me demande toujours. Najulizaka kila mara. On prie beaucoup Katanga, soyez rassurés. Tuko na omba zaidi kukwetu Katanga. Le résultat n'est pas proportionnel à la prière. Maombi ailinganishe hata na vile. Il y a des endroits où on ne prie pas beaucoup. Mais quand vous voyez les résultats, vous vous posez des questions. Alors, regardons dans nos caractères. Je vous donne un principe. Nourrir les hommes de Dieu. Nourrir. Kulisha. Donner de la nourriture. Kuleta chakula. Cette veuve de Sarepta. Uyu mchane wa Sarepta. Eli est parti. Eli lui a dit, prépare d'abord pour moi. Et après toi et l'enfant. Elle a commencé à préparer. Chaque jour, Eli mangeait. Et le jour où elle a eu un problème, Eli dit à Dieu, est-ce que tu vas faire du mal à cette femme qui me nourrit? Des années et des années dans l'église. Est-ce que l'homme de Dieu a déjà mangé quelque chose de toi? Regardons-nous. Moi, je vous regarde. Mais nous prions beaucoup. Je vous donne des principes, je vous dis. Atanyanya. Abraham a vu trois hommes. Ariona chez watu Abraham, il y avait la mort. Kwa Ibrahim kurukwa mauti. Abraham avait la foi. Ibrahim alikuwa na imani. Au verset 15. Umustari ya 15. Non, verset 12. Il quitte chez son père. Verset 14. Il rencontre Melchisedec. Anakutana na Melchisedeki. Verset 15. Il fait les sacrifices. Anafanya ko sadaka kuteketeza. Il fait les sacrifices. Anafanya sadaka kuteketeza. Verset 16. Na mustari wa 16. Non, verset 10. Il se sépare avec Lot. Verset 18. Vous voyez les trois hommes qui viennent. Parce que ça, il période qui vous coûte. Abraham, il est là derrière dans la tente. Ibrahim il voit trois hommes passer. Watu watatu kupita. Abraham se lève et dit non, ne passez pas. Ibrahim anasema pana musipiti. Ce n'est pas par hasard. Aina tu kwa obu. Venez manger chez moi. Kujeni mukule nyumbani kwangu. Vous savez, dans un couple, on n'a pas dit forcément que l'homme et la femme auront le même caractère. Parfois, nous pensons que non, le couple parfait, c'est quand l'homme et la femme. Non, non, le couple parfait, c'est quand l'homme et la femme n'ont pas le même caractère. Couple mzuri ni wakati bibi na bwana abana tana na comportement. Et n'auront pas le même caractère. Kulezi kwa wa moto wa baridi. C'est lui qui est chaud et c'est lui qui est froid. Kulezi kwa wa choyo. Mais c'est lui qui ne donne pas et l'autre qui donne. Il n'y a même pas de problème. Dieu connaît. Mungu anajua. Ça bon, mon couple est comme si Dieu n'avait pas de choix, n'avait pas de choix. Et dans ton couple, on ne sait pas qui est chaud, qui est froid. Ok, qu'à cela ne tienne, on enseigne. J'ai dit que je vais enseigner. Ça c'est tout à fundisha. Vous pensez pourquoi Abraham a dit malheureusement, rentrez au verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, trois mesures de fleurs de farine pétrie et fait le gâteau. Sarah, je crois que c'est facile. Sarah, je crois que c'est facile. C'est comme ça qu'Abraham a nommé Sarah. Il m'a dit, Sarah. Beba bunga ou piki. Tu prends seulement la farine et tu prépares. Sarah Mukono est quoi facile. Et Sarah la main, c'était pas vraiment facile pour mais elle. Abraham a quoi na Mukono est facile. Et Ibrahim avait la main facile. Et Sarah apparemment Sarah était très autoritaire apparemment. Sarah a quoi na madaraka zaidi. Na fukisa Agar. Elle a chassé Agar. Et Agar s'est allé plein devant Dieu et Dieu lui a dit, rentre encore chez Sarah. Mufeti Isaac a chiché de Mouzouri, Sarah na tcheka. Eh nani, Agar na tcheka. Sarah na mufata roi sema Léo. Aujourd'hui, c'est Léo. Cette femme doit disparaître de la maison avec son fils. Donc, quand vous lisez bien ce que Sarah a chiko wa teke teke. Sarah chukwe mwepesi zaidi. Abraham le père de la foi. Ibrahim mubaba wa imani. Na Sarah warika makamu. Na Sarah wa mambo nguvu nguvu kabisa. Dans la même maison. Munyumba moya. Dieu fait des choses parfois compliquées. Mungu anafanya kabintu mara mingi ya mvulu. Pour corroborer ce que j'ai dit. Ili bipote kuambatana vizuri tunasema. Même quand Abraham doit chasser Agar. Wakati Ibrahim aruweza kumufukuza Agar. Agar a un enfant, Abraham n'a pas tout chupa ya mai moya na gato. Ici pendant combien de temps? Agar avait un enfant, mais on lui a donné juste une bouteille d'eau et un gâteau. Asi Mohamed, asi Mohamed, non. Vile tulizara na wei, beba kata bambuji batroa, nkuku moya, nambata, au bankuku wa, juwanze kuzala, mayai, itakusaidia, bambata. On peut quand même réfléchir comme ça, non? Aba kweze kuwa sa tabu ile fasa. N'est-ce pas, papa Pamphile? Tulizara na wei. On a mis au monde ensemble avec toi. Jogo na jogo. Et va quand mwanaume huyu na mwanamke. Mayai itamsaidie. Mbuji mwanamke na mwanamke. Abraham avait tout ça. Ibrahim alikuwa na yote ile. Lwa boka ya Sara. Mais à travers juste la peur de Sara. Mbuji na gato. Wende, wende, wende, wende. Bon, Dieu n'a pas condamné Sara. Mungu asiwezi kumhukumu Sara. Ça c'était notre dossier. Il est quoi ni mambo ingine. Abraham dit vite. Ibrahim anasema kwa haraka. Trois mesures de fleur de farine. Bipimo bitatu bya bunga. Pétri. Effet de gâteau. Pétri mi afanya. Anasema kunyungulula na ufanye kutupo. Anza ja kupetri. Anza kuchanga byote. Effet de gâteau. Na ufanye kutupo. Le verset suivant. Mustari fatayo. Abraham aussi a couru. Ibrahim une akakimbia. Un veau tendre. Enda kubeba ngombe mtoto. Bibi anapika. La femme prépare. Na shiba bwana mtoto kusaidia kwa bibi kumampisha. Et nous les maris commençons à aider nos femmes dans nos cuisines. J'ouvre la parenthèse. Papa Nora. Donc nous aussi de temps en temps, surtout les dimanches, quand on quitte le culte, on est tous fatigués. Et donc, hein, Musée Christian, Musée Elvis, Olivier, Papa Pamphile, Pasteur, et donc un peu nos femmes aussi. On a pas saidi wa bibi yetu na kumlango. On a choma kwa taka mundele. Ça aide toujours. Inasaidia kapia. Ça aide toujours. Inasaidia kapia. Parfois nous sommes assis là. Fatigué. Mwenye kuchoka na mwenye kuchoka. Poursuivant toujours, c'est la dame. Non. Ok. Sarah prépare. Sarah anakuwa anapika. Abraham prépare. Ibrahim munaye anakuwa akipika. Ils amènent la nourriture. Analeta chakula. Quand ces gens mangent. Wakati wa watu waruweza kula. Où est Sarah? Sarah ni wapi? L'année prochaine. Mwaka ijayo. À la même époque. Kwa hii wakati moja moja. Elle aura un fils. Atapata mtoto. La mort. Lufu. Va disparaître. Itapotea. Bien-aimé. Wapendwa. Tunaanza kuisha 2025. Pourquoi Dieu me donne des messages comme ça? Un homme de Dieu. Tu n'as jamais donné la nourriture à un homme de Dieu. Prends la décision. Beba mpango leo. Il y a des grâces. Kuna manema. Juste une parole peut changer ta vie. Musemo tu inaweza kubadilisha maisha. Vous savez, parfois quand on est dans l'église, on dit le pasteur, on a non, du mal à prêcher. Non, na mimi natafuta kukuria bien. Moi aussi, je cherche à manger. Pour que vous soyez bénis. Ili mupate kubarikiwa. C'est important. Ni ya mafaa kabisa. Ici, je parle de la nourriture. Hapa tunasemezea juu ya chakula. Bilei. Bintu bya kula. Principe numéro 2. Kanuni ya pili. Il y a des morts qui partiront de ta vie. Kuna mauti malufu itaenda mbali na maisha yako. Si tu apprends de temps en temps. kama tunajifunza wakati kwa wakati, a donné la nourriture aux hommes de Dieu. Kwa kuleta chakula kwa watumishi wa Mungu. Je donne aux pauvres. Non, les pauvres. Na leta kwa maskini. Il y a des gens qui préfèrent donner aux pauvres, qui préfèrent donner à leur famille, etc. Mais nous oublions les hommes de Dieu qui dorment par terre, qui préparent des messages, qui prient, qui réfléchissent pour l'église, qui réfléchissent pour vous. Non, je vous donne des principes. C'est très important. Principe numéro un, l'innocence. Principe numéro 2, savoir nourrir les hommes de Dieu. Principe numéro 3, je pense que je vais m'arrêter là-bas. Dans le même cadre, 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 4, versets 10 à 11. Et puis je vais sauter dans verset 6. Fais une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée étant revenu à Shunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas, verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et le suivit. Verset 35 et 36. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Guéhazi et dit, appelle cette Tsunamite. Guéhazi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Ok, c'est, je résume rapidement, on va prier. Élisée passait quelque part. Apparemment, il dormait soit sur l'âne, soit sur la rue. Soit il était obligé de passer, il n'avait où dormir. Cette femme a dit à son mari, vous savez, ils sont dans un couple. Et vous allez voir, à partir d'un certain moment, Dieu travaille seulement avec la femme qui a vu le besoin de l'homme de Dieu. Et ça signifie que dans le couple, l'homme bénéficie de la grâce de la femme. Donc il y a des couples où c'est l'homme qui bénéficie de la grâce de la femme, ou c'est la femme qui bénéficie de la grâce de l'homme. Elle a vu un besoin. Principe numéro 3. Savoir répondre aux besoins des hommes de Dieu. J'ai parlé de la nourriture. Et à côté de la nourriture, je parle des besoins. Les besoins. Frères et sœurs. En tout cas, je vous dis avec le cœur plein d'amour. La vie de la plus part des gens au Katanga est bloqué. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas. Watu wengi huko Katanga wanazuizwa, haina cha kusema baombe. C'est des principes. Ndani ya makanisa ni makanuni. C'est des principes. Ni makanuni. Ça va répondre aux besoins. Kujua kujibu kwa mahitaji. Un couple, mettons, à Kinshasa. Je suis moi, toi, à Kinshasa. Un pasteur va chercher une maison à louer à Bandal. Pasteur, il va chercher une maison à louer à Bandal. Et c'est les frères de l'église, curieusement, qui ont cette maison-là. Arianza, où est-ce que les nyumba watu wa ipate kuipangia? Et le pasteur Na pastori. Tiens, on m'a appris que vous avez, oui, pasteur, etc. C'est combien le prix? C'est ma bei ni bei ngapi? Celui qui était là, ule alikuwa mlenda. Il payait autant le mois. Arianza kulipa ma miezi bwingi fulani. On a fait quelques réflexions. Arifanya ko mafikiri ma fulani. Pour mettre, on l'a enlevé, on a mis pour mettre un nouveau locataire. Tu as kuweka hata mpangaji wa sasa. Et le pasteur pose la question. Na pastor anauliza swali. C'est combien le prix? Bei ni bei ngapi? Alors il dit non non non pasteur, fixez vous-même le prix. Anambia pasteur mujiweke mwe benyewe bei. Pasteur hésite d'abord. Finalement l'homme dit payez comme l'autre qui était là. Mwisho bwana akasema mulipe kama vile huyu alikuyamo. Le pasteur dit ça va, je vais passer à la maison. Pour donner la garantie. C'est pasteur ancien, ça va être tapita kunyumba juu kuleta tafeza ya kingilio. Je suis en train de voir les réflexes des bien-aimés. Je prends un cas parce que je connais ce couple. Niko naona hapa kuanza hata kwa huyu nduku na beba hii mambo juu mimi najua. L'homme va dire comme la femme. Mume anaenda kumwambia mwanamke, je suis passé mais le pasteur qu'il paye seulement tel que l'autre l'a payé. Après, c'est un homme de Dieu, il vient de se marier. Non, non, nous pouvons l'aider. La femme dit, ok. Quelques jours après, le pasteur vient avec la garantie à la maison. Curieusement, ce jour-là, l'homme n'est pas là. Il prend l'argent, il compte avec la femme, il signe le contrat. Donne l'argent de la garantie et le mois anticipatif, comment on dit. Et il prie, il bénisse le Seigneur. La femme prend cet argent. Elle entre dans la chambre. Ça, on m'explique. C'est le couple qui m'explique. Ils prennent cet argent, ils mettent dans l'enveloppe. Et ils sortent. Ils donnent au pasteur. Merci pour la garantie. Mais nous, on ne t'a jamais aidé. Et Dieu nous met à cœur de prendre cet argent comme vous venez de vous marier. Le pasteur dit non, il dit non, non, non, non. C'est Dieu qui nous met à cœur. Le pasteur dit, vous savez, il y a des choses. Hein? Même pour prier, tu es pasteur, tu commences à chercher les mots. On a eu ça au monsieur chez tout le monde à résoudre les mambo. Donc, c'est, vous savez, il y a des prières. On a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a Chouk. Et depuis lors, ce couple-là vit différemment. Bien aimé, wapendwa. Pourquoi? Il faut avoir l'œil na fazali kuwa na licho et la sensibilité de l'esprit. Ata na ile kutifu wa roho. Ça vous est jamais arrivé un jour? Tu appelles quelqu'un, tu lui dis, exactement, j'avais besoin de $100 pour résoudre tel problème. Quand tu commences à marcher comme ça, tu marches avec le Seigneur. C'est parmi des choses qui éloigne la mort de nous. L'innocence. Nourrir les hommes de Dieu. Subvenir aux besoins des hommes de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est important de comprendre ces choses. J'espère que vendredi, je reviendrai sur les quatre autres principes. Et que Dieu nous fasse grâce. Ouvrons les yeux dans la vie. Tufunguleni kwa macho mumaisha. Ouvrons les yeux. Tufunguleni macho. Les yeux spirituels. Macho ya kiroho. Dans la vie. Ndani ya maisha. Ouvrons les yeux spirituels. Tufunguleni macho ya kiroho. Il y a des choses. Kuna vitu. Tu ne les as pas parce que tu n'as pas ouvert les yeux spirituels. Hauna navyo kwa sababu ya fungula macho ya kiroho. Anne n'avait jamais su. Ana sikuweza hata kuwaza. Anne priait. Alianza kuomba kila mara. Dieu prend la décision. Mungu anachukua mpango. D'enlever Eli et de mettre quelqu'un d'autre. Ya kutosha Eli na kuweka mtu mwingine. Anne prit curieusement une prière en accord avec le Seigneur. Na anaweza kuomba maombi ya kuingia pamoja na Bwana. Si tu me donnes un enfant mal, kama tunanipa mtoto mwanaume, je te le donnerai. Nitakupa. Il sera à ton service. Na atakuwa kwenye kazi yako. Automatiquement. Na kwa ghafla paka pale. Il a répondu à un besoin de Dieu. Aliweza kujibia kwa hitaji ya Mungu. Frère et sœur. Nduku na dada. Chaque fois tu répondras à un besoin de Dieu. Kila mara utajibu kwa hitaji ya Mungu. La mort doit aller très loin. Lufu lutaenda mbali na wewe. Tu ne vas pas mourir. Haustafariki. Parce que tu as répondu à un besoin divin. Kwa sababu ulijibu kwa mahitaji ya kimungu. À un besoin de Dieu. A un besoin de l'homme de Dieu. C'est très important. Nous devons enseigner ces choses. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Ce n'est même pas une parenthèse. J'enseigne à l'église. Vous savez que l'homme a besoin de marcher avec un Dieu qu'il voit. L'homme a besoin de marcher avec un Dieu qu'il voit. C'est comme ça que Dieu nous a donné les yeux. Dieu, on ne le voit pas. Dans l'église, celui qu'on voit, c'est le pasteur. Chaque fois que vous comprendrez cela, kila mara mtaweza kuelewa hivi vitu. Vous faites un pas vers l'accomplissement de certaines choses. Unafanya kwa takutembea tena mbele mbele habitu yan. Quand Moïse a fait longtemps à la montagne, wakati Musa alifanya masiku nyingi yule mlima, on a suivi Aaron. Waweza kumfuata Aroni. On a dit que non, Moïse, on ne le voit plus. Il a anasema fait longtemps. Anasema Musa atumuone tena panakawa. Nous avons besoin d'un Dieu qu'on voit. Tunahitajia Mungu ambaye tutaweza kuona na macho. Quand ils étaient avec Moïse, wakati walikuwa pamoja na Musa, voyez Moïse. Parianza kumuona Musa. C'est pourquoi la Bible dit que je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Donc vile bila nasema nitapika mlinaji atana wapunda wote wa kondoo ataweza kusambaa. Quand vous répondez aux besoins de l'homme de Dieu. Wakati mnajibu kwa mahitaji ya mtumishi wa Mungu. Vous répondez aux besoins de Dieu. Na ni vile mnajibu kwa mahitaji ya Mungu. Même Jésus. Ata Yesu vile vile. A dit la même chose à ses apôtres. Alisema mambo jamoja na bafasi wake. Quand ils sont venus avec des bâtons. Wakati waweza kucha na mabakora. Tous ont fui même Pierre. Wote waweza kukimbia ta Petro. Ils étaient sûrs parce qu'ils voyaient Jésus. Barikuwa na uhakikisho kwa sababu walikuwa wakimuona Yesu. Donc trois choses ce matin. Vitu vitatu ijioni. Quand tu es innocent dans une affaire. Wakati unakuwa mtu asipokosa mkabiashara mafulani. S'il y a la mort qui vient chez toi. Kama kuko lufulu nafika kwako. Lève ta main tu dis Dieu non. Na nyoa mkono sema Mungu hapana. Je suis innocent. Niko mtu asipokuwa na kosa. Tu ne peux pas faire mourir. Aweze kuwawa. Le méchant et le juste ensemble. Watu wenye haki na wabaya pa fasi moja. Et Dieu te justifiera. Na Mungu atakusambia. Cette femme était innocente. Uyu mwanamke alikuwa asipokosa. Le roi lui a rendu son enfant. Mfalme aliweza kumrudisha mtoto wake. La mort ne pouvait pas régner dans la vie de cette femme. Lufu lianza kutarisha maisha ya mwanamke. La mort devait rentrer à son expéditeur. Na Lufu lipasa rudie kwa mtu. Tunatangaza hicho. Rentre chez son expéditeur. Utarudia kwa yule mtuma. Parce que tu es innocent. Kwa sababu kwa mtu asipokosa. Alléluia. Amina. Principe numéro 2. Kanuni ya pili. Savoir nourrir. Kujua kulisha. Les hommes de Dieu. Watumishi wa Mungu. Toutes les personnes wote qui ont nourri quelque part un homme de Dieu. Lisez la Bible. Someni mandiko. Observez la nature. Leur vie a changé. Maisha yabo iliweza kubadilika. Ils n'ont jamais manqué la nourriture. Abaya pusa kabyakula. Ils n'ont jamais dormi affamés. Na apo ya lalaka tes kumoja na njala. Eli la veuve. Eli anasema na mjane. Ne se terminera pas. Mafuta itaisha. La farine non plus. Bunga vile vile. Frères et sœurs. Nduku na dada. Sous fécond. Chem chem la usa. Prends la décision aujourd'hui. Chukua mpango leo hii. Dans ce que tu manges. Kwa ile kuna kula. Que les hommes de Dieu mangent aussi. Watumishi wa Mungu nae wakule pia. Choral, amen. Kwaya, amina. Ici, amen. Na hapa hivi, amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous avons des problèmes. Tuko na mambo. Chakula. La nourriture. Non. Et vous savez, quand tu es à table avec quelqu'un, ou quand tu fais manger quelqu'un, d'abord la prière qu'il fait même avant de manger, je te rends grâce. Je vais manger cette nourriture parce que c'est toi qui m'as donné. Donc déjà, tu fais le travail de Dieu. Donc quand la personne remercie Dieu, en fait, c'est toi qui as fait le travail de Dieu. Donner de la nourriture. Et puis, entre nous, ça c'est entre nous. Nous mangeons quoi? Chaque fois, je me demande ce que nous mangeons. Poisson salé. Lengalenga. J'arrive que pour me dire légumes verts. Légumes verts, c'est quoi? Lengalenga. Nyanya. Les affaires intérieures. J'ai mangé quelque part des affaires intérieures. Les affaires intérieures. On m'a dit dans un restaurant, on m'a dit les affaires intérieures. Ok, les affaires intérieures. Thompson. Cuisse. Frère. Joy Boutan, ça tout mon. En fait, mais nous, Julie, ça tout. Il y a quand même un problème. Hein? En fait, il y a combien de légumes que nous mangeons ici au Katanga? Il y en a 5, je crois. Ngaingai, sombe, mulenda, lengalenga, na matembele. Aïe, biboa, biboa. En fait, nous tournons. Vous n'avez pas encore remarqué comment on tourne dans les mêmes légumes. On tourne dans les mêmes légumes. À un moment donné, j'ai dit, c'est mes enfants qui m'ont dit, maintenant tu veux quoi? Tu crées, tu inventes. On tourne dans les mêmes légumes. Nyama, on ne mange presque pas la viande. S'il vous plaît. Tujue kukabula. Shiba mama. Tujue kukabula. Kukabula chakula. Troisièmement, ça va répondre aux besoins. Les hommes de Dieu ont beaucoup de besoins. Mais je bénis le Seigneur pour certains frères. Pour le moment, j'achète de moins en moins mes habits. Il y a des frères. En tout cas, il y a des frères. Je témoigne devant le Seigneur. Tu connais même mon numéro de veste. Il y en a qui me donnent. D'autres connaissent même le numéro de chaussures. Il y en a qui me donnent. Et chaque fois, j'observe la vie de ces frères. Parfois, je ne prie même pas. Je regarde. Il y en a qui m'ont même promis un hélicoptère. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est pour dire que. C'est nous devons être attentifs. C'est important. J'ai partagé avec les pasteurs autour de l'apôtre Roland Dalo à Kinshasa. Quand il m'explique ce que les gens de l'église font pour leur pasteur, pour leur apôtre. Parfois, vous savez, nous disons des choses que nous ignorons. Chaque fois, je me dis, mais C'est comme ça. Je y vais. Et quand je vois des églises qui font des budgets, qui font des programmes, non, je comprends une chose. Je vais revenir sur ça vendredi sur les quatre autres principes. Je pose la question, non, pasteur, nous avons un budget de 1 million de dollars. On a acheté le terrain à 200 000 dollars. Maintenant, nous voulons commencer à construire. Voilà, ça, ce sont des chiffres. Comme on a essayé mon katanga, si tu l'as dit, ça, c'est comme si tu réveilles des problèmes. Non, non. Dépassons ce cap. Dépassons ce cap. Que Dieu nous aide. C'est des principes qui chassent la mort. Nous allons prier pendant une minute. Des enseignements comme ça, il ne faut pas beaucoup prier. Il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Dieu comprendre ni tomeki. C'est que j'ai compris que je puisse le servir. Dans ma vie. Ni tomeki. Je puisse le servir. Tel un homme pense, tel il est. Vile muto na fikiri ni vile eko. Mon fils, n'oublie pas l'enseignement de ta mère. Mtoto wangu usisahau mafundisho maadibisho ya mama yako. Élève l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. On dit élève l'enfant. Pas élève le grand. Hein? C'est ça la Bible. Élève l'enfant. Quand nous sommes des enfants, Dieu nous parle. Et quand nous sommes remplis, nous disons que nous avons grandi, Dieu ne nous parle plus. Et c'est comme ça que dans les derniers jours, c'est sur les enfants, sur les jeunes gens, où l'esprit vient. Joël chapitre 2. Ok, prie seulement, dis Seigneur, merci pour ta parole. Fais-moi grâce dans ce que j'ai compris, d'appliquer ces choses dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amina. Que Dieu vous